journée sera finie. On se demandera ce qu'on a appris. On se regardera en mode furie. On brûlera l'oc, le regard incendie. On viendra pas jusqu'en décembre. Je pars, tu veux que je parte. On sera venu avant décembre. Tu pars, tu veux que je parte. J'ai envie de te descendre. Tu veux que tu partes, tu veux que je parte. On tiendra pas jusqu'en décembre. Tu pars, tu veux que je parte. Je veux que tu partes. Qu'on se dépasse et qu'on parte. On parte. On a oublié le parapluie. On est comme des cons sous la pluie. Oh yeah. Jusqu'en décembre, tu veux que je parte, tu veux que je parte. On sera venu avant décembre. Tu pars, tu veux que je parte. J'ai envie de te descendre. Tu pars, tu veux que je parte. On tiendra pas jusqu'en décembre. Tu pars, tu veux que je parte. Je veux que tu partes. Qu'on se dépasse et qu'on parte. Qu'on parte. On tiendra pas jusqu'en décembre. Tu veux que je parte. On sera venu avant décembre. Tu pars, tu veux que je parte. J'ai envie de te descendre.